C'est en faisant écho à cette perspective teintée d'optimisme que Jean-François Augoyard conclut cette journée d'études. Le faiseur de bruit n'est pas systématiquement l'ennemi public numéro un. Il a parfois quelques raisons ou quelques excuses de faire du bruit. Parfois même, il a prévu d'avance de modérer les effets d'une activité inévitablement bruyante. Quoi qu'il en soit, dans le jeu complexe des acteurs concernés par une affaire de bruit gênant, la position du faiseur de bruit mérite un attentif examen et d'autres recherches. Les situations si fréquemment bloquées entre plaignant et fauteur ne pourraient que bénéficier d'une connaissance psychologique et sociologique approfondie. Si gênant qu'il soit, le bruit est toujours aussi une affaire de communication sociale. Ce résumé bilan est une réalisation d'Ixit, avec l'avis scientifique de Jean-François Augoyard.